World Movie. Tu crois qu'on les empêche de passer, là ? Faustine éclate de rire. Le Bussinger prend toute la place sur la petite route cantonale. La queue de voiture derrière lui s'allonge en infini ruban. Impossible de les dépasser et pas moyen non plus pour le camion de s'arrêter sur le côté. Malgré la fraîcheur de ce mois de janvier, on sent bouillir les automobilistes et les klaxons s'excitent, ce qui amuse encore plus les deux complices. Ils sont en Alsace, quelque part du côté de Mulhouse, et vont livrer un chargement de cartons d'emballage, 6 et 12 bouteilles, chez un vigneron. Arrivés à destination, après que Benny ait réussi avec brio une marche arrière dans une cour très étroite, il leur faut encore décharger la remorque. Ils le font à main nue, lançant les paquets de 24 cartons à l'employé qui les entasse dans les combles de la ferme. Pas de tapis roulant, pas d'ascenseur, et débarrasser la moitié d'un 38 tonnes, c'est interminable. D'autant que ces rats les laissent repartir, une fois la besogne faite, sans même leur offrir un verre d'eau. Pour une bouteille de Riesling ou de Gewürztraminer, tu repasseras aussi. Comble de malchance, au retour, ils crèvent un pneu extérieur. Toujours sur la petite route cantonale. L'épreuve du feu. Par chance, Bernard réussit à dégager son camion et à trouver une place tranquille pour se dépanner. Faustine essaye de l'aider. Hélas, quand il lui demande d'appuyer de tout son poids sur la pédale du frein, la jeune femme a beau rassembler ses forces, impossible de l'enfoncer, même d'un demi-centimètre. Malgré l'expérience de son amoureux qui va devoir œuvrer au four et au moulin, il faudra encore une bonne heure pour se sortir de ce mauvais pas. Bernard y arrivera en injectant une bombe de mousse expansive dans le pneu, en plâtre suffisant le temps d'arriver à leur garage habituel. Bernard et Faustine sont incroyablement heureux. C'est leur troisième voyage ensemble, leur troisième semaine de vie commune aussi. Elena, la chère et opportunément opportuniste Elena, est soudain devenue la meilleure amie de Faustine, qui lui confie sa clientèle chaque fois qu'elle souhaite accompagner son amie. Ils sont déjà descendus à Lausanne, livrer une presse chez un imprimeur, montés à Freiburg en Breisgau avec un chargement de fonds de boc, avant leur petite virée en Alsace. Faustine s'est vite adaptée à cette vie sur la route. Partir à l'aube avec un pull de rechange et une brosse à dents pour se retrouver à l'autre bout du pays quelques heures plus tard. Elle est dans son élément. Elle fait un tabac dans la famille des chauffeurs, les femmes accompagnantes n'étant pas pléthore. La jeune femme grimpe dans la cabine plus légèrement qu'une ouistitine, veille à la réserve de clopes, remplit le mini-frigo de boissons fraîches et adore avoir les doigts de pied en éventail sur le tableau de bord. Elle écoute attentivement les conversations échangées au travers de la cibie, cherchant à les décoder. Elle apprend le langage des routiers, les signes annonciateurs de radar, de voitures de flics et autres contrôles. C'est encore tout nouveau, tout beau pour elle, de dormir sur une couchette superposée, dans un parking perdu au milieu de nulle part. Les routiers soumis au chronotachygraphe ne sont pas autorisés à dépasser un certain nombre d'heures au volant. Parfois, selon les aléas de la circulation, ils sont obligés de s'arrêter à quelques kilomètres à peine de chez eux, d'où l'utilité de garder une brosse à dents à portée de main. Bon, la cabine d'un 38 tonnes n'est pas forcément l'endroit idéal pour s'envoyer en l'air, c'est sûr, mais ça, ils peuvent toujours le faire à la maison. En clair, Faustine trouve vraiment cool de transporter son logis sur son dos à la manière des escargots. Les relais autoroutiers n'ont bientôt plus de secrets pour elle. Même et surtout ceux dans lesquels elle n'aurait jamais osé aller seule, au vu des mines patibulaires des clients. Elle est fière d'appartenir à la grande famille des camionneurs. Ils sont une bonne vingtaine dans la boîte de Bernard à se retrouver sur la route régulièrement pour partager un repas ou un pique-nique sur un parking. Des gaillards solides, musclés, solidaires. Solidaires avant tout, et qui aiment bien rire. Toujours prêt à intervenir si l'un d'entre eux a un pipa. Faustine a l'impression qu'un siècle a passé depuis leur première nuit à Bernard et à elle, et aussi depuis ce jour où, rentrant du travail et levant les yeux vers les fenêtres de leur nid, elle a vu son amie, désormais installée chez eux, à califourchon sur le rebord, en train de réparer ses carreaux cassés. Un homme dans une maison, ça vous change la vie. Un homme attentionné aussi, lorsque se promenant dans la rue, ils sont passés devant un fleuriste. « Aimes-tu les fleurs ?» lui a-t-il demandé. « Bien sûr, mais je n'ai pas de... »« Attends-moi ici. » Et il est entré aussitôt pour ressortir 2 minutes plus tard avec un bouquet de roses dans un vase rempli d'eau. J'avais vu qu'il n'y en avait pas chez nous, alors j'ai pris le pot avec. Faustine ne saurait dire ce qui l'a le plus ému, le chez nous ou les fleurs. Ce soir, Faustine a le sourire aux lèvres en l'attendant devant le restaurant après le travail. Quand il arrive dans sa Renault 12, elle ouvre la portière pour s'asseoir et constate que la banquette arrière est envahie de paquets de pâtes sur lesquels trône une rose bien en évidence. « Oh, merci, mon amour. Facile maintenant qu'on ait un vase. Et les pâtes ? Elles étaient en promotion. Chic, on en a pour 10 ans. Tu ne crois pas si bien dire. En attendant, demain, on file sur l'Allemagne. J'ai un chargement de papier Kraft à livrer à Munich. On passe prendre nos affaires et on fonce sur la douane faire les papiers. Cette fois, il m'a filé le Scania. Mon Bussinger est au garage pour changer la roue qui déconne. Les attentes en douane, c'est ce que Faustine aime le moins dans ce boulot. Les heures passées à patienter avant de peser le camion, la fastidieuse préparation des documents. Les fonctionnaires ne sont jamais pressés et les camions passent les uns après les autres avec une lenteur éprouvante. Et encore, ils ont de la chance de ne pas avoir de grève comme celle que subissent les Français en ce moment. Quand les routiers se fâchent, ils bloquent toutes les routes et plus rien ne passe. Il paraît que les autorités ont décidé de réduire, encore une fois, le temps autorisé sur la route. Les bahuts devront s'arrêter 1 heure plus tôt et ça ralentira d'autant plus les délais de livraison, d'où leur colère. La jeune femme se réjouit néanmoins de leur prochain voyage. Il paraît que la route est belle jusqu'à la capitale de la Bavière, même en hiver.